diba diba diba diba diba diba. Ne me dis pas que ce diba diba n'est pas drôle. Tous les gringos qu'ils sont à l'équateur secouent l'épaule. Les esquimaux qui l'écoutent au pôle secouent l'écoute. Un riche esquimau m'a dit j'ai bobo, une maladie de peau, j'ai plein d'igloos sur l'épaule. Je voulais en mourir, mais ton air fait rire les plus tristes cires, même les cires les plus molles. Je suis marida à une faradiba esquimode qui m'a dit bah, diba, diba, diba, escommode. Quand par grand froid le thermomètre est si bas qu'on marche dessus, faudrait crois-moi en plus de ces dix bas un par-dessus. C'est pourquoi j'ai pris l'avion pour Paris où j'ai eu pas mal de mal à faire suivre ma malle. Je suis ici depuis et quand j'ai le mal du pays, je vais dans le jour pâle voir l'aurore au bord des Halles. Mais bah, mais bah, dès que je dis bah, dis bah, tout s'éclaire. Bon, dans l'espace, je peux plus acheter des bas, tout s'éclaire. À tous les repas, je dois payer au dit papa, tout s'éclaire. À une nana qui m'en laisse baba, tout s'éclaire. Quand je fais le dur, elle me fait l'amour, et ça mousse, ça dure, jusqu'à ce qu'on fasse l'amour. Après nos ébats, je ne sais pas pourquoi, nos saucisses et frites, devant des saucisses et frites. Et dis papa, tous éclairs mon cas et 16 kilos. De ma de laine, quelques pour mon bas de laine, un esquimau. Qui ne dit pas qu'en dépit des dix pas, il se débat. Mais dis dix pas, dix pas, dix pas, dix pas, dix pas, dix pas. Diba diba diba diba diba diba diba diba diba diba diba diba diba.